texte et voix, Julie Jarosewski. Il n'y a pas de voix sans soutien, et tout part du ventre. On croit souvent à tort que l'inspire est active et l'expire passive. C'est faux. Le secret du souffle réside dans une expire active qui crée un appel d'air. L'inspire, elle, se fait sans force. Pour crier des heures, il faut s'appuyer sur le soutien du diaphragme. Le diaphragme, on ne peut pas le sentir. Il n'a pas de terminaison nerveuse. Mais on peut sentir ce qu'il y a autour. C'est comme un homme qui crie dans une prison. On ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas l'entendre. Mais on peut voir les murs, les forteresses qui l'emprisonnent. Par projection, à force de s'y frotter, il finit par exister. Le diaphragme, c'est pareil. Le diaphragme, c'est important. C'est lui qui donne le rebond. C'est là où réside la force et la nature humaine. La difficulté dans la puissance est de veiller à concentrer sa force dans le ventre sans se laisser envahir par elle. C'est comme la colère. Il faut la garder basse, très basse. Veiller à ce qu'elle n'étrangle pas la gorge et étouffe le cri. Devenir un expert en tension et relâchement. Seule la pratique permet de muscler son soutien et donc de créer des inspires de plus en plus profondes. Et puis il y a le cœur des voix. Ce qui compte, c'est de ne jamais laisser tomber le cri, le slogan, la revendication. Il ne faut pas se faire mal. C'est pour cela qu'il faut être nombreux. Pour prendre un temps de silence quand l'étranglement monte, un temps de repos. Laisser passer un ou deux tours avant de reprendre et permettre à l'autre sa pause. Mais le plus grand secret du chant, sans doute, est la conviction. Car il n'y a rien de plus puissant que le cri d'une femme ou d'un homme innocent qui demande la justice. Cette voix peut envahir alors qu'elle crie dans le silence de l'isolement le plus total, des centaines, des milliers de corps à des centaines, des milliers de kilomètres. Il n'y a pas de voix plus puissante que celle d'un homme qui réclame le droit, qui réclame sa voix. La voix, c'est la fabrique de l'espérance. Allez, ça démarre. Merci beaucoup, Ali, pour cette entrevue. Micro qui va d'office ouvert. Je pense être délicate, pas facile. Je me retrouve en face d'un homme, d'un être humain qui a vécu de l'injustice, qui a vécu. Enfin, ça c'est toi qui. Mais je m'imagine qui a vécu une immense violence. Enfin, on n'imagine pas. Je trouve que tu souris encore. Tu restes digne. Et ça, je trouve énorme. Et déjà pour ça, merci. Merci de ça, Ali, Arras, ici en face de moi. Qu'est-ce que tu auras envie de rajouter pour te présenter, Ali ? Bah, bonjour, c'est moi qui vous remercie. Je suis très ravi de vous accueillir chez moi. Et sincèrement, oui, vous avez dit je suis passé par des moments, durant des années surtout, très durs, très difficiles. Et on a survécu. On a survécu à toutes ces atrocités, à toutes ces maltraitances et les tortures qui m'ont été faites. Injustement, arbitrairement. Voilà, donc je survis. Je garde le sourire, comme vous avez dit. J'essaye surtout de rester le plus fort possible, mais on est quand même des êtres humains. Et cet être humain, il a aussi ses faiblesses, ses points faibles, lesquels je n'ai jamais essayé de les démontrer, surtout devant mes tortionnaires et devant mes matons en prison, dans toutes les prisons par lesquelles je suis passé. Donc j'ai essayé surtout de rester le plus fort possible, surtout en préservant ma dignité et mon côté humain, qui est très important, avec mes convictions. Et voilà, donc j'ai survécu durant ces 12 années d'injustice. Et aujourd'hui, je suis là. Je suis là à vous écouter, surtout à vivre et à respirer comme tout autre être humain digne de soi. Et reprendre une vie normale comme je l'avais, j'essaye surtout malgré ce Covid, malgré c'est une autre épreuve, oui. Disons qu'on n'a pas encore retrouvé sa liberté. On est vraiment limité, on est vraiment, il y a des obstacles un peu partout. On ne peut pas y aller où on veut, on ne peut même pas visiter sa famille comme avant. Et voilà, donc on respecte ces situations-là tout en restant fort et dynamique, c'est très important. Mais comme je vous ai dit, l'être humain a ses faiblesses. Voilà. Ça veut dire quoi, ça, l'être humain a ses faiblesses? Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça? Il a cet être humain, il a aussi ses désirs, ses plaisirs, sa façon de se libérer. Il a aussi des envies. Voilà. Je pense que ça fait partie de l'être humain. Et on n'est pas des gens qui ne raisonnent pas, on est des gens qui raisonnent, qui sont conscients des situations par lesquelles on est passé, dans le passé, dans lesquelles on vit. Et dans le futur qu'on attend, donc les meilleurs à venir, quoi. Voilà, les faiblesses sont là, et on ne peut pas les nier. Je pense qu'il faut quand même rester positif, optimiste, et voir les jours à venir en rose. Et vivre son présent, bien sûr, vivre son présent actuellement dans lequel, par lequel on est en train de passer maintenant, qui est un peu difficile. Voilà. Ouais, c'est incroyable de t'entendre. Je tutoie facilement, mais avec tout le respect, hein, de vous entendre, de t'entendre parler comme d'une lumière ou d'optimisme après tout ce que tu as vécu. Évidemment, on ne s'imagine pas ce que tu as vécu. Il n'y a que toi qui peux le. Il y a que toi qui l'as vécu en même temps. On sait que tu as été torturé, que tu as été enfermé 12 ans. Pas de famille, pas de lien, coupé du monde, quoi. C'est vraiment ça aussi, non? Coupé du monde. Et tu arrives encore à être optimiste? Comment tu fais? C'est la preuve que c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis encore là aujourd'hui à vous parler et à vous tutoyer aussi. Donc, on essaie de rester positif, surtout entre les quatre murs, enfermés, en isolement. Sensoriel, très dur, dans l'insalubrité, dans la famine, sans mes médecins, sans médicaments, sans bonne nourriture. très, très, très difficile, très, très difficile à survivre, surtout quand on n'en a pas une conviction, surtout une foi et de l'espoir de sortir un jour et revivre. Donc, l'espoir, il était là. L'espoir, il y est et il restera encore. Donc, je pense que c'est une arme pour quelqu'un qui se trouve dans l'abandon. Parce que j'étais, sincèrement, j'étais dans l'isolement durant ces 2 années, dans des conditions déplorables, et surtout dans des cas difficiles. Parce que, comme vous avez dit, sans visite, sans avoir la famille à côté, parce que je n'avais personne. Au Maroc, d'ailleurs, je n'ai jamais habité au Maroc, donc je suis né à Melilla, en enclave. C'est une enclave qui se trouve dans le nord de l'Afrique, qui est occupée par les Espagnols depuis bientôt plus que 500 ans, bien sûr. Mais on a toujours cohabité ensemble. Donc il y avait des Espagnols, des souches, des Juifs, des Israélites. Il y avait aussi des Hindous. Et nous, les musulmans, donc les Rifains, ce que vous voulez. Donc les Rifains, ils sont là depuis des centaines et des centaines d'années. Donc c'est leur terre. Voilà. C'est très difficile, très très difficile, c'est vrai, à survivre dans des conditions très très pénibles, dans les conditions par lesquelles je suis passé. Et surtout quand on est innocent. Surtout quand on est innocent et on se pose la question pourquoi et pour quelle raison tout cela m'est arrivé. Ce sont des questions que je me pose encore aujourd'hui et j'essaye de trouver vraiment la bonne réponse et trouver la pièce manquante, comme j'ai toujours dit, de mon puzzle, afin de pouvoir classer cette affaire et dire voilà, allez, c'est pour cette raison. C'est pour cette et seule raison pour laquelle tu as été arrêté arbitrairement et extradé aussi injustement et arbitrairement et torturé dans le centre de secret de Tamara par mes tortionnaires et les bourreaux. Et puis jeté en prison à Salé 2. Il est vrai aussi qu'il y a eu beaucoup d'injustices durant ces premières années, surtout de mon arrestation, pour ne pas dire mon kidnapping, car j'étais sur le lieu de mon travail. Et là, la police a surgi en me disant, vous devez nous suivre au quartier général. Et voilà. Et puis, pour s'en débarrasser, le juge d'instruction a dit que cette affaire-ci, nous dépasse. On ne sait pas pourquoi ce monsieur a été arrêté, mais ce sont des consignes, c'est un ordre de l'audience nationale qui se trouve donc à Madrid, qui était demandée par le juge Balthasar Garçon à l'époque, juge qui a jugé. Pinochet, le dictatorien donc de Chili, et aussi a fait aussi une guerre contre l'OTA, les terroristes basques, sans merci. Et voilà, donc là, j'arrive à Madrid et il me pose des questions en me disant est-ce que vous rentrez, vous allez au Maroc. Je lui dis non, je n'ai personne au Maroc. Je ne connais sincèrement pas, je ne connais pas le Maroc et je n'ai aucune famille au Maroc. Et là, il m'a posé des questions sur certaines personnes. J'ai dit que je ne connaissais pas non plus. Voilà, donc il m'a dit, enfin, il parlait aussi à mon avocat en lui disant que Monsieur Arras. Il est sur une demande d'accusation verbale de la part du Maroc, des services secrets du Maroc, tout simplement. Ça veut dire quoi, ça, une accusation verbale du Maroc? Disons qu'ils ont, c'est ce qu'on m'a dit l'avocat, que il y a eu, donc il se référait aux ventes et trafic d'armement, chose qui n'a jamais existé et n'a jamais été approuvée jusqu'à aujourd'hui. Là, c'est quand même énorme. Hein. Pour qu'on comprenne bien, Ali, toi, tu es arrêté en Belgique ou bien tu es arrêté à Madrid ? Non, j'étais arrêté sur mon lieu de travail à Melilla. Ah, voilà. Voilà, donc j'étais arrêté là et transféré à Madrid. Donc, pour me présenter devant le juge d'instruction, Baltasar Garçon. Donc, c'est lui qui nous a mis un peu au courant des accusations verbales. Qui, bien sûr, lui, avant mon arrestation même, j'étais poursuivi, que je ne le savais même pas. J'étais poursuivi en filature, sans me rendre compte. Et puis, il a poursuivi son enquête, après m'avoir écouté, durant un an et 9 mois. Après un an et 9 mois. Et c'est qui là, de qui tu parles là ? Quand tu dis il t'a... Baltasar Garçon. Voilà. Donc c'était Baltasar Garçon qui a ouvert le dossier et qui a fait son travail comme il le fallait. Okay. Après ces un an et 9 mois d'enquête, une enquête vraiment très très difficile, car il a tout mon respect. Car il a fait son devoir comme juge d'instruction, il a bossé sur sur mon cas et qui a donné un non-lieu sur toutes les accusations. Donc dans ce cas-là, moi en prison dans l'isolement, il y a un agent judiciaire qui est passé pour me faire signer un document pour être libéré. Donc, je le signe et les gardiens me disent, maintenant, vous allez attendre, ramassez vos affaires, il va attendre que nous, on reçoive les consignes pour que vous puissiez être libéré. Donc, tout content, je retourne dans ma cellule, je ramasse mes affaires. Ça fait combien de temps que tu es là, alors ? Depuis quoi, un an ? Non, j'étais là donc depuis 2008 et cela est arrivé en mai 2009. Okay. Donc, en avril, donc j'étais arrêté en 1er avril et j'ai été donc innocenté par le Baltasar Garçon un an et 9 mois par après. Donc la soirée tombe et je n'ai toujours pas été libéré. Je touche le phone de ma cellule pour demander des renseignements auprès du poste des fonctionnaires qui me disent Monsieur Ali reste, donc on n'a pas encore reçu des consignes, il faut attendre. J'ai dit bon, écoutez, je sais que après 6 heures je pourrai plus téléphoner, vous allez faire votre appel et je vais être encore enfermé ici, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez m'ouvrir pour aller au téléphone? Ils m'ont ouvert, je suis sorti donc dans le couloir qui se trouvait, le téléphone qui se trouvait juste au bout du couloir. Je téléphone à mon avocat et il me dit, Monsieur Ali, écoutez, votre affaire, elle n'est plus entre les mains de la justice. La justice a tranché, a décidé de vous libérer, mais le gouvernement espagnol, Parti socialiste à l'époque, on a décidé autrement. Ils ne veulent pas vous libérer. Alors, ce qui m'a fait savoir, c'est que maintenant, c'est une affaire diplomatique, c'est une affaire politique, car ils veulent absolument vous extrader. Mais sur base de quel motif, là ? C'est ça qui est dingue. Moi, j'ai du mal à comprendre votre histoire, quoi. Comment on peut arrêter quelqu'un sans preuve ? Enfin, moi, je ne comprends pas ça. La preuve, c'est que Baltasar Garçon m'a innocenté. Et ici, en Belgique, je n'ai jamais eu aucun problème avec la justice. Depuis 28 ans, 29 ans que j'ai vécu. Donc, je n'ai jamais eu aucun problème avec la justice. Jamais, jamais, jamais. Et tout cela, bien sûr, le Balthazar Garçon a fait son boulot, il s'est renseigné par les services secrets, la sûreté belge, et donc il a eu des confirmations que son monsieur n'en a rien à lui rapprocher. Voilà, donc, sur base de quoi? Sur base d'un dire, des accusations verbales, ce que le Maroc est habitué à faire. C'est-à-dire, il y a un soupçon, ou bien quelqu'un qui vient vous commenter ou dire quelque chose sur X, et bien cette personne-là, il restera dans le doute, et il faut quand même l'avoir. Ce n'était pas leur cas. Donc, ils voulaient m'avoir pour m'interroger sur des armes qui n'ont jamais existé. Donc cela. Et quoi, là, je vais un petit peu te titiller, Ali, parce que sinon, pourquoi des armes? Pourquoi, enfin, ça t'est tombé comme ça sur la tête? T'as vraiment rien à te reprocher? T'as pas frôlé un peu des gens qui étaient peut-être là-dedans, parce que c'est incompréhensible sinon, quoi. Non, bien au contraire. Bien au contraire, j'ai toujours eu que des bons amis et des très bonnes fréquentations. Et d'ailleurs, ma personnalité ne me permettait pas de fréquenter surtout ce côté-là. J'ai toujours été contre, bien sûr. Et puis, j'avais une vie normale, comme tout autre citoyen qui bossait pour sa famille et pour son avenir, quoi. Donc, jamais j'ai fréquenté qui que ce soit. Bien au contraire, j'ai toujours fermé la porte à des idéologies barbares, des idéologies extrémistes, etc. Donc non, bien au contraire, est-ce que cela fait partie de ce puzzle, de la pièce manquante? Car d'ailleurs, des fois, j'ai essayé quand même de tout simplement de rechasser ces gens-là de mon commerce. Car ils devenaient quand même un petit peu, ennuyant, insistant. Voilà, c'est dingue. Donc ça, c'est répété à chaque fois. Donc, disons qu'il y avait aussi des périodes très difficiles durant ces années de 80, 90, 95. Il y a eu plusieurs occasions et des cas, bien sûr, dans le monde arabo-musulman, et qu'il y avait aussi des tendances qui avaient un peu une liberté d'aller où ils voulaient et côtoyer qui ils voulaient. Seulement, des fois, j'ai essayé de leur dire de sortir tout gentiment et de ne plus m'ennuyer donc, dans ce cas-là. Je suis quelqu'un qui a vécu dans une culture multiculturelle. J'ai grandi avec des amis juifs, des amis espagnols, hindous. On est allés même dans la même école, on a grandi comme ça. Et en venant ici en Belgique, j'ai dû refaire encore une fois des amis. Donc jamais j'aurais pu accepter quelqu'un, un racisme ou des inégalités ou des discriminations. Jamais, bien au contraire. Là où il y a le côté humain, j'étais là. J'étais là, porter secours, présence, de l'aide. C'est en moi, c'est mon éducation. Et ça, je ne regretterai jamais. Même en prison, j'ai essayé surtout tout le temps d'aider autrui, de porter secours et bien sûr de défendre surtout contre ces maltraitances des matins qui dépassaient une fois les lignes rouges, surtout dans leur dignité, et surtout dans leur privation de leurs droits. Donc, quand on connaît nos droits pénitentiaires, nos droits dans notre dignité, tout ce qui nous est dû, on essaie de marquer présence. Et cela, ça, je ne regrette pas encore. Aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir porté surtout assistance dans ces conditions-là très, très dures. Et voilà. Disons que j'ai eu surtout un respect, une estime de plusieurs gardiens, parce que je le faisais dignement, et je le faisais car eux-mêmes, il y en a qui étaient contre toutes ces violences carcérales, toutes ces violences et toutes ces méthodes brutales. Et ils le savaient très bien que si jamais je mettais mon droit là où il le fallait, je ne lâcherais pas et je les dénonçais, bien sûr. Disons que j'étais aussi un peu privilégié de ce côté-là, donc, parce que j'avais ce soutien, le soutien à l'extérieur, lesquels je remercie du fond de cœur et je n'arrêterai jamais de les remercier assez. Donc le comité Fréali, bien sûr, et tous leurs militants, et bien sûr Amnesty International, Human Rights Watch, et bien sûr tout le CNDH aussi, CDH, et bien sûr tous ces hommes et ces femmes qui ont fait un boulot persévérant et qui n'ont jamais lâché le morceau, voilà, parce que tout simplement ils savaient qu'il y a eu beaucoup de violations dans mon cas, dans ce cas-ci surtout. Et qu'il y a crédibilité. Donc, c'est pour cela qu'on a essayé vraiment de continuer à se battre et de ne jamais baisser les bras. Et voilà, même en prison, j'ai entamé plusieurs grèves de la faim en Espagne pour ne pas être extradé. Donc je reviens à mon extradition. L'extradition s'est faite comment ? C'était le 14 décembre 2010. Après que les Nations Unies, donc des droits de l'homme, ont fait une recommandation chez le gouvernement espagnol de ne pas extrader Ali Arras car il était innocenté et puis il y a risque de torture au Maroc. Donc à partir de là, le gouvernement espagnol, tous les vendredis, il faisait son assemblée, tous les vendredis, ils se réunissaient, ils avaient le dossier bien sûr, et à chaque fois que le dossier surgissait à la surface, ils le reprenaient, ils le remettaient donc en bas. Non. Comment tu sais ça ? C'est la vérité, parce que c'est vrai qu'il y a mes avocats, il y a aussi des ONG, il y a aussi des députés qui étaient très proches de ce gouvernement, qui agissaient de la sorte, car il y a eu beaucoup de pression de l'extérieur et aussi celle qui était la mienne. Avec mes grèves de la faim, que j'en ai fait trois, hein, officielles, bien sûr, en Espagne, depuis mon isolement. Et voilà, donc, mais après toutes les demandes qui ont été faites de la part du Maroc, les Espagnols ont cédé. Donc, ils m'ont sacrifié. Et aussi, je soulève un point très important, c'est que durant ces années, je n'ai pas cessé d'écrire et demander de l'aide et d'assistance consulaire auprès de l'ambassade belge à Madrid, dans différentes prisons que j'ai faites durant ces 2 ans et 9 mois. Il n'y a eu jamais une réponse. De la part de la Belgique ? De la part de la Belgique. Ce n'est que 2 jours après mon extradition, vers le Maroc ? Oui, qui se sont présentés. On a une preuve, une lettre qui a été faite par Gmail, enfin, par l'email, c'est ça ? Ah, l'email, ok, ok. Pardon, par l'email, qui disait, voilà, on était parti, on est parti rendre visite à Liara le 16, alors qu'eux, ils savaient très bien que j'étais déjà extradé. C'est vous dire l'hypocrisie de la diplomatie. Donc, ils savaient que j'étais déjà extradé, mais ils sont quand même allés pour dire, voilà, on est couvert avec ça, malheureusement. Personne ne le savait. Ni ma famille, ni mes avocats, ni personne, ni les ONG, ni personne. Quand est-ce qu'ils ont su ça? Ce n'est que ma famille, Amélie-là, qui s'est trouvée, donc mon épouse, et mon père et tous mes frères et sœurs, qui, il y a eu une nouvelle affichée donc, qui circulait dans la télévision, que Ali Arras a été extradé le 14 décembre au Maroc. C'est à partir de là qu'a démarré, donc, qu'ils ont su que j'étais déjà extradé. Durant 12 jours chez mes tortionnaires, durant 12 jours chez mes tortionnaires dans les gueules de Tamara, donc ce centre secret de la DST qui a été conçu et préparé avec des techniques et des méthodes de torture pour en tirer des aveux. C'est ce qu'ils ont fait avec moi. Donc, j'ai déjà détaillé tout cela, mais je pense que ceux qui veulent trouver donc, plus de renseignements là-dessus, je pense qu'il y a des sites que vous pourriez peut-être annoncer au public. Donc, durant ces 12 jours, j'ai été torturé abjectement, avec des tortures abominables, des techniques terribles. J'ai été électrocuté sur mes testicules. J'étais aussi violenté par une bouteille à maintes reprises. J'étais aussi... on faisait des noyades avec de l'eau, donc ils me mettaient un torchon sur ma bouche et mon nez, et ils versaient de l'eau afin que je sois étouffé. Et aussi, j'étais suspendu, main vers le haut, et aussi le contraire, tête en bas. D'autres méthodes, d'autres techniques terribles, horribles. J'en ai fait pas mal de dessins, des croquis. Qu'Amnesty International a sur son site. Si vous avez l'occasion de le voir, allez-y. Donc voilà, durant ces 12 jours, je n'ai pas arrêté, je n'ai pas cessé de leur dire que tout cela n'existait pas. Vous trompez sur la personne et arrêtez de me torturer. Mais bon, disons que c'est les 4 premiers jours, car c'était jour et nuit, c'était sans cesse. Le 4e jour, quand je suis que ils arrêtaient pas et qu'il n'y avait aucune pitié et qu'ils n'avaient pas des états d'âme, j'ai dû inventer, bluffer pour leur dire un mensonge qu'ils ont cru et pour leur dire voilà, les armes que vous cherchez se trouvent chez ma tante près de la frontière de Melilla. Ils ont cru tout ça et ils sont bien renseignés avec d'autres services secrets, leurs collègues qui se trouvaient dans cette ville, et ils ont vu que la maison existait et le terrain est là, et les oliviers étaient là aussi, et que ces gens-là, là, ma famille, étaient là. Donc, après avoir eu toutes ces informations, ils sont venus chez moi, ils m'ont dit, vous allez partir avec nous. Maintenant, tu pars avec nous, nous montrer où exactement tu as caché ces armes. Donc, pourquoi est-ce que j'ai bluffé? J'ai bluffé, j'ai menti. Et je ne dirai pas des aveux, parce que ce n'est pas des aveux, ce sont C'est une imagination. Un répit. Un répit que j'ai trouvé par après, bien sûr, parce que j'ai un peu calculé le temps qu'il leur faudra, plus ou moins, d'aller de là où j'ai été, du Maroc, donc jusqu'à Nador. Et cela m'a donné un peu de répit, comme vous avez dit. Et j'étais un peu soulagé et j'ai commencé un peu à me reposer un petit peu. Malgré cela, je savais qu'une fois arrivé là-bas et qu'ils vont creuser dans les trous qui n'ont jamais été creusés, je savais qu'ils allaient reprendre de nouveau la torture. Donc voilà. Donc ils sont partis là sur place. Je leur ai montré où se trouvaient ces armes qui n'ont jamais existé. Et ils ont donc et ils ont creusé. Ils n'ont rien trouvé, bien sûr. Donc ils étaient déçus, bien sûr, parce que je leur ai même dit que peut-être que je me suis trompé d'arbre. Et ils ont cru que ça. Ils ont creusé dans l'autre arbre, déraciné. L'arbre était déraciné et ils n'ont rien trouvé. Donc, à partir de là, ils m'ont conduit. Donc, Attends, Annie, parce que là, il y a d'autres interviews, d'autres rencontres avec toi qui peuvent bien prendre le temps d'expliquer tout ça. Moi, ce que j'essaye de comprendre, c'est qu'à ce moment-là, il n'y a aucune preuve de rien. Tu te retrouves extradé au Maroc. On te torture pour te faire avouer quelque chose que tu n'as pas commis. Et le juge en Espagne, là, a montré qu'il n'y avait rien contre toi. Déjà, tu vois, la question principale, c'est de te dire, OK, tu n'as rien à te reprocher, il n'y a pas de preuve. On est d'accord, il n'y a pas de preuve. De ces armes. Comment ça se fait qu'il y a, sur 12 ans comme ça, tu restes comme ça croupir dans un endroit et on ne peut plus rien pour toi? Ça, moi, j'ai du mal à comprendre. C'est ça l'injustice. Hein. L'injustice, c'est ça, c'est quand on est dans un état des droits, comme l'Espagne, dans un état démocratique, qui respecte les institutions et que la justice reste indépendante. Je vous pose la question. Pourquoi cette injustice? Si la justice a tranché de me libérer, pourquoi est-ce qu'ils m'ont sacrifié? C'est vraiment une vraie question. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il en est, toi, après tout ce temps passé, comme ça? Qu'est-ce que tu te dis de tout ça, en fait? Et même les gens comme Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme, qu'est-ce qu'elle dit de tout ça, en fait? Parce qu'il y a des comptes à te rendre, à toi, je veux dire, si vraiment... Je mets le « si », parce que moi, je ne connais pas toute ton histoire. S'il n'y a pas d'armes, eh ben, on t'a fait une extrême violence, même plus que ça, il faut réparation. On en est là aujourd'hui, d'accord? Comment faire? C'est quoi toute cette histoire, Ali, vraiment, quoi? Un pauvre monsieur a été torturé, enfermé pendant 12 années, et il n'a rien fait? Comment expliquer ça? Oui, c'est vrai que c'est hallucinant, parce que quand il s'agit d'une diplomatie entre le Maroc et la Belgique et l'Espagne, qui était mon cas. Donc, il fallait absolument sacrifier cette personne parce que c'était au nom du pseudo-terrorisme. Enfin, le mot est lâché. Non, mais c'est ça. Donc, c'est ça. Oui. Oui, mais... Pseudo-terrorisme qui m'a vraiment choqué parce que quand j'ai su que c'était pour le terrorisme, je me suis dit, c'est impossible. Là, je me suis dit, voilà... Donc il y a un grand problème et cela ne sera pas résolu d'une façon aussi facile que ma petite tête me le disait. Hein. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait une coopération diplomatique entre le Maroc, l'Espagne et la Belgique, bien sûr, d'autres pays européens, la France, etc., Quand il s'agit de terrorisme, tout l'aurait permis. Tout l'aurait permis. Et ils ont carte blanche de faire ce qu'ils veulent contre cet être humain présumé encore innocent. Et surtout quand on est innocenté par n'importe quel juge. Ça parle de ça, garçon. Donc là, oui, c'est un choc. C'est un choc que j'ai reçu et j'ai encaissé. Surtout dans les isolements sensoriels, comme je l'ai déjà dit au début, très très difficile à encaisser cette injustice. Et des fois, je ne trouvais pas la question, bien sûr. Ce n'est que par les petits renseignements que je recevais de la part de mes avocats quand ils me visitaient que c'était vraiment limité, bien sûr, parce que c'est un très grand dossier. Et bien sûr, là, je vous dis, je vous dis que voilà, donc pourquoi spécialement moi? Oui, pourquoi toi? Mais surtout, s'il n'y a pas de preuves, si tu es innocent, si même un juge déclare que c'est bon, il n'y a pas d'histoire, il y a ça. Et puis ici en Belgique, la Ligue des droits de l'homme, qu'est-ce qu'elle fait? Les avocats, qu'est-ce qu'ils font? Tu vois, pourquoi autant d'années alors que tu es innocent? C'est ça que je ne comprends pas. Parce que moi, je ne comprends pas parce que je ne suis pas dans le dossier, parce que... De l'extérieur, on se dit, mais comment on peut laisser enfermer un monsieur 12 années, croupir dans une prison, le torturer, lui faire du mal? Enfin, ça, moi, j'ai du mal à comprendre, quoi. Comment c'est possible qu'on t'ait pas sorti de là plus tôt, quoi, tu vois? Bah, disons, avec tous les attentats qu'il y a eu un peu partout en Europe... Oui, mais ça, c'est après, quoi. Là, on est en 2008, 2009. Là, on comprend déjà que tu es innocent, quoi. Enfin, peut-être, c'est vrai qu'il y a eu des attentats ailleurs dans le monde, du coup. Enfin, là, je suis... Donc, disons qu'il y avait une politique contre le terrorisme. Donc, c'était clair. Donc, c'était sans pardon, sans remerci. Il fallait vraiment arrêter... N'importe qui et le juger après, mais le Maroc il fait autre chose. Le Maroc il te torture, il te maltraite, ce n'est qu'après qu'il pose la question. Donc en Espagne c'était pas comme ça, c'est pas ça, et en Belgique non plus, mais d'ailleurs même dans toute l'Europe, avant d'arrêter qui que ce soit, on l'arrête avec un minimum de soupçons, des dossiers, un dossier. Déjà, on a déjà ouvert un dossier verbal, donc auprès du procureur du roi ou bien du parquet, etc. Donc, à ce moment-là, il sera poursuivi en filature, etc. Et quand ils auront vraiment quelque chose de lourd, eh ben, ils vont l'arrêter tout simplement et lui présenter les accusations. Ce n'était pas mon cas. Déjà, le juge d'instruction en Espagne, il a dit « Cette affaire-là me dépasse, monsieur, je n'ai rien à rapprocher à ce monsieur. » En Belgique non plus, ils n'avaient rien à me rapprocher. Le Balthazar garçon, 2 ans, et durant 3 ans, peut-être même plus, il faisait son enquête à mon insu, je ne savais pas tout ça. Et il a décidé de faire un non-lieu, donc archiver ce cas-là, donc le classer, cette affaire-là, que je n'avais rien à rapprocher. Donc, mais quand même, il y a eu cette demande du Maroc. Du Maroc auprès de l'Espagne, qui avait cette coopération entre eux. Et vous dire que toutes les démarches et tout le combat qui a été mené pour que je sois libéré, surtout après mon innocence, donc après avoir été innocenté, tout ça a été violé, bafoué, nié. Donc voilà, c'est vous dire que ça a dû m'arriver à moi. Ça a dû m'arriver à moi. Ça a dû m'arriver à moi. Je n'ai pas demandé à voir ces épreuves. Je ne l'ai pas demandé. Est-ce que ça fait partie de mon charisme? Est-ce que ça fait partie de ma personnalité? Est-ce que j'étais vraiment soupçonné? Est-ce que la façon que je vous parle maintenant, et comme j'ai parlé autant d'autres personnes, et même en dehors caméra et en dehors hors de micro, c'est ma façon, c'est ma vie, c'est comme ça, c'est ma personnalité. Si c'est une raison pour laquelle j'ai été arrêté et torturé, Ben, je dirais, bon, il y aura encore plein de monde qui va être arrêté, injustement. Donc, et c'est le cas. C'est le cas maintenant au Maroc. On arrête n'importe qui. Il suffit de parler. Il suffit de dévoiler les crimes qui se font. Il suffit de dire non. Relever ton poing, ton doigt pour le mettre là où il le faut. Tu es arrêté. On t'est mis en prison, tout simplement. Donc, est-ce que c'est à cause de ça? Je ne sais pas. Mais est-ce que toi, Ali, t'es quelqu'un, avant toute cette histoire, est-ce que t'étais quelqu'un politisé? Est-ce que t'étais militant? Est-ce que t'étais, je sais pas, est-ce que t'étais déjà engagé dans des combats auxquels t'avais envie d'y croire, quoi? Ou bien non, même pas, quoi? Non, disons que j'étais opposant à toutes les injustices qui se font un peu partout dans le monde, bien sûr, comme tout autre homme et femme conscient des atrocités qui se font partout dans le monde. Je pense qu'on a le droit d'avoir notre opinion et d'en parler, bien sûr, et aussi de dire non, car on a le droit de dire non si on est dans un pays démocratique. Et dans un état de droit, on a le droit de dire basta, ça suffit, arrêtez ces crimes, arrêtez donc. Voilà. Est-ce que quelqu'un qui n'aimait pas ce genre de conversation, ils ont fait comme prétexte de ces armes, peut-être, je ne sais pas, pour m'avoir et me torturer, mais. Est-ce que c'est ça la bonne raison? Je ne sais pas. Mais oui, j'ai toujours mis mon doigt là où il le faut. Là où il ne le faut pas. Là où il le faut. Oui, là où il ne le faut pas, je ne peux pas penser ça parce que je ne peux pas avoir des injustices, des inégalités, des discriminations, traiter un humain d'une façon brutale. Je ne peux pas. Il faut que j'intervienne. Et pourtant, ça t'est arrivé à toi? Ça m'est arrivé, oui, ça m'est arrivé. Et je n'ai pas de regrets sur mon comportement et sur ma personnalité. Bien au contraire, je me suis dit, c'est ma vie, c'est mes convictions, c'est ma vie, donc je ne veux pas changer. Et ils vont pas me faire changer. Et je leur ai démontré dans les prisons, dans toutes les prisons en Espagne, même au Maroc, bien sûr. Toujours mon côté humain, je l'ai mis à l'épreuve. Donc j'ai toujours porté assistance à autrui, en dehors des prisons et dans les prisons, et je n'ai aucun regret, bien au contraire. Donc est-ce que c'est à cause de ça? Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Je sais que une chose que j'ai été injustement arrêté, arbitrairement arrêté, jugé aussi, unique, avec un procès unique. Aussi torturé, à maintes reprises, en prison aussi. Et je n'ai pas de regret d'avoir apporté assistance, surtout à d'autres prisonniers, sans se baser sur ces crimes qu'il a fait ou il n'en a pas fait, même s'il y en a la majorité qui sont des innocents, bien sûr, parce que dans un état policier, si on peut appeler ça état, parce que c'est une dictature au Maroc, qui leur est tout permis. La preuve, c'est que le crime qu'ils font maintenant avec ces professeurs dans les rues qui manifestent leurs droits, ils se font maltraiter par des civils, par des policiers, des gendarmes et même des soldats de l'armée. Tout le monde s'y met. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que ça dégénère. Ils ne veulent pas que ils ne veulent pas que eux ils aient raison. Vous comprenez? Voilà. Et donc ils veulent surtout maîtriser l'affaire et disperser les gens en les maltraitant, en les torturant. Alors que civiquement, comment vous pouvez maltraiter un professeur qui donne cours à vos enfants, peut-être, comment est-ce que vous pouvez avoir cette morale de frapper une femme, un professeur qui demande que ses droits, et pacifiquement, c'est vous dire où on en est, où on en est, dans quel Maroc on en est. Donc on essaye de nous montrer une façade, hein, à l'extérieur, et fleurie, et bien peinte, etc. Mais à l'intérieur, c'est pourri. Elle est pourrie, donc c'est un état policier, donc c'est... Et ils sont en train de terroriser leur peuple, de les affamer, surtout avec ce Covid. Maintenant, ils sont en train de vendre leurs vêtements, leurs biens pour survivre, car il n'y a pas de boulot. Donc, je vous laisse imaginer. C'est ma personne, c'est mes convictions. Et j'en mourrai comme ça. Donc, il n'y a pas de marche arrière. Je n'abandonnerai jamais une personne qui en a besoin. Selon mes moyens, mes capacités, je mettrai mon doigt là où il le faut. Super, Ali. Il ne reste plus beaucoup de temps. Allez, 5 minutes, et puis on boucle. Comment... J'aurais envie de te poser cette question-là. On arrive à la fin. Qu'est-ce que tu souhaiterais, toi, aujourd'hui, maintenant, avec toute cette histoire, qu'est-ce que tu souhaiterais si tu pouvais appuyer sur un bouton facilement? Qu'est-ce que tu souhaiterais, en fait? Si tu pouvais rêver, quoi, hein, qu'est-ce que tu souhaiterais? Ça. Tu vois? Oui. Disons qu'il y a pas mal de choses. Mon plus grand souhait, c'était surtout de sortir tête haute de ces isolements, dans ces cages. Et j'ai réussi à m'en sortir debout, bien raide, avec ma dignité surtout, et mon côté humain, qui ne m'a jamais lâché. Mes rêves, oui, j'en avais et j'en ai un, oui, encore, bien sûr. C'est une force en moi qui m'a soutenu et qui m'a préservé contre toutes ces injustices, contre tous ces crimes qui se font encore aujourd'hui dans les prisons du Maroc. C'était voir ma fille grandir, surtout, et rester de près d'elle le plus longtemps possible, parce que je l'ai laissée quand elle en avait 12 ans et demi. Je l'ai laissée toute petite, même dans mes rêves, quand je la rêvais donc en prison, je la rêvais comme je l'avais laissée. Je recevais des photos des fois qu'elle grandissait, et je refusais de la voir comme ça. Donc c'était une force en moi de revivre encore ces moments. C'est une force, il me le fallait, donc il fallait que je reste sur cette position-là et ne pas céder à tous les défis qui se faisaient donc au quotidien, tous les jours. Et mes rêves aujourd'hui, une fois libre, c'est aussi... d'y participer humainement, solidairement, avec tout autre être humain, sans distinction des races, et sans inégalités, sans discrimination, et porter assistance à ceux qui en ont besoin. Parce que vous serez étonnés que le côté humain est très très fort chez soi, chez un être humain. Si on perd ce côté d'humain, on devient, je ne dirais pas un animal, parce qu'un animal, s'il est féroce, par exemple, qu'on met tortionnaire, et j'ai été plusieurs fois, j'ai perdu mes connaissances, et ils m'ont jeté de l'eau sur mon visage pour me réveiller et continuer encore à me torturer. Et en ajoutant des insultes et en disant il ne faut pas faire de la comédie ici, ça ne marchera pas. Par contre, un ours ou une bête féroce, quand il vous attaque et que vous perdez connaissance, il s'acharnera plus sur vous. Donc c'est ça la différence. Donc nous, les êtres humains, on a cette noblesse. C'est une noblesse chez nous. Sinon, on deviendrait alors S'il n'y a pas ce côté de dignité humain, on deviendrait alors pathétique. Et cela, c'est vraiment, ça serait vraiment une atrocité pour une société. Et voilà, donc c'était mon rêve. C'était mon rêve et j'en rêve encore aujourd'hui. C'est vrai, il y a des difficultés, il y a des fois certaines politiques qui nous empêchent de vivre ce moment-là, mais on y arrivera. Je pense que les gens sont conscients que ce côté humain, il faut le revivre, il faut le revivre, et pas devenir individuel. C'est très très très dangereux pour un humain de vivre un côté individuel et ne pas porter secours à autrui. Mais quoi, toi, tu es ici maintenant en Belgique, tu aimerais bien retrouver un job, comment tu vas te reconstruire, tu aimerais bien que ton histoire, on dise, et ça ce serait fondamental de dire que tu es innocent, tu vois ce que je veux dire, comment est-ce que tu, ou bien tu laisses tomber, c'est derrière toi, t'as plus envie de parler de ça Non, bien au contraire, non, parler de ça, non, je continuerai à en parler et je continuerai encore à dévoiler mes tortionnaires et tous les crimes qui m'ont été faits et bien sûr, légitimement, avec la loi, je continuerai à me battre jusqu'au bout, jusqu'à qu'on me reconnaisse. Comme innocent, d'abord, je suis innocent, et aussi qu'on reconnaisse toutes les violences et tous les crimes qu'ils ont fait avec moi. Donc, c'est primordial de surtout se baser légitimement avec la loi. C'est très important de rester sur ces points-là, car justice va se faire un jour, ça c'est clair. Et ça va se faire. On y est dedans, donc c'est en cours, tout ça. Ils vont être poursuivis auprès de la Cour européenne. La dénonciation a été faite, elle a été acceptée. Et là, on aura vraiment le temps d'en parler plus largement sur le sujet et vous donner plus d'informations. Pour l'instant, on essaie de revivre, bien sûr. Il y a le problème de ma situation. Je vis dans un appartement à une chambre, bien sûr, à trois personnes, moi, mon épouse et ma fille. Ce n'est pas évident. On cherche, ce n'est pas facile de trouver une deux chambres, mais ce n'est pas facile. Aussi, un boulot, car sans boulot, là, pour l'instant, je bénéficie du CPS. Et chose que je n'ai jamais voulu avoir, mais quand je pense que ça me revient, car j'ai bossé aussi durant très très longtemps, durant des années, et ça me revient un peu. Mais je ne veux pas rester toute ma vie, bien sûr, comme ça. Ouais, mais tu ne dois vraiment pas te justifier, tu sais, là, je veux dire, il ne s'agit pas de ça, quoi, vraiment pas. Mais moi, je te souhaite vraiment de rétablir la vérité, enfin que même que l'État belge, enfin après voilà le temps est en une minute, c'est quoi la position de l'État belge ici pour te soutenir là-dedans, comment qu'est-ce qu'il dit lui en gros? Rien. Pour l'instant ils disent rien, donc c'est en cours auprès donc ceux qui sont poursuivis, ce sont surtout les Espagnols. Donc le Parti socialiste qui a été présidé par José Luis Rodríguez Zapatero, en coopération avec le service secret, la DST du Maroc, ils seront poursuivis jusqu'au bout, ça c'est clair. Maintenant la Belgique, on leur demande seulement d'essayer surtout de régulariser les sans-papiers, et aussi survenir aux besoins et porter secours surtout aux binationaux qui sont en prison au Maroc. Je n'ai pas eu cette occasion, je n'ai pas eu ce privilège, je ne pouvais pas en profiter. Et j'espère que d'autres, ils en profiteront parce ils en ont vraiment dans le besoin. Ils sont là, désemparés, abandonnés, et ils font avec eux ce qu'ils veulent. Pourquoi? Tout simplement parce que la Belgique ne porte pas secours. Et ça, c'est vraiment très, très... C'est triste, c'est vraiment triste. Mais je pense qu'il faut rester positif. Je pense que maintenant, ils commencent à voir clair et que j'espère qu'ils vont quand même porter assistance, surtout aux binationaux, partout où ils seront, en prison, que ce soit au Maroc ou ailleurs. Mais surtout, dans ces prisons marocaines, ils en ont besoin, vraiment. Ils en ont besoin. J'en ai eu besoin, j'en demandais, j'en voulais. Et je n'ai pas eu cette assistance. Je suis vraiment déçu. Mais j'espère que ça va s'arranger un jour. Voilà. Bon, il faut arrêter, Ali Arras. Si on veut écouter vraiment dans le détail toutes tes histoires, comment tu expliquais hors micro, il y a un site internet avec comment? Oui, ça je peux vous le donner. Je dois fouiller un peu de mes archives là. Okay, sinon, je peux vous les donner et vous pouvez leur transmettre. D'accord. Et aussi le comité Fréali. Le comité Fréali, il suffit de taper donc comité Fréali. Et vous allez tomber sur ce comité qui m'a soutenu depuis le début par ceux et celles qui sont vraiment qui ont marqué présence solidairement, surtout pour ma famille et qui m'ont porté secours quand il le fallait. Et ils sont toujours là, d'accord. Et je leur remercie, j'en profite pour le remercier. Et aussi à tous mes avocats en Belgique, en Espagne, et ceux de Maroc, bien sûr. Donc, je leur remercie pour un travail qu'ils ont fait, un travail formidable. Et la preuve, elle est là, ce que je suis encore vivant et je continuerai à me défendre. Alors que, dans un autre cas, quelqu'un qui se sentirait vraiment coupable ou qui a fait quelque chose après avoir été torturé, etc., je pense que ça ne serait pas dans son intérêt à lui de dénoncer ses crimes. Et ce qu'il aurait pu faire, c'est d'aller se cacher et passer page. Ce n'est pas mon cas. Donc pour moi, je me suis juré de les poursuivre et de les dénoncer. D'ailleurs, je les ai dénoncés depuis 2011. Et depuis lors, j'ai subi des représailles et des maltraitances à cause de ça. Et voilà, c'était pour cela que aussi que je n'ai pas été ni amnistié ni gracié, car je leur ai dit que je n'en voulais pas, car j'étais innocent et je n'accepte pas de demander grâce à quelqu'un qui m'a torturé, bien sûr. Et ça, je n'accepterai jamais. Mais justice, qu'elle soit faite, oui. Merci vraiment, Ali Arras. Hein, et j'ai affaire en face de moi à quelqu'un qui est digne. Et c'est beau. Voilà, je trouve formidable. Merci.